Alors, on va accueillir Alexandre qui va nous parler du protocole Bitcoin et de la technologie des blockchains. Merci. Alors, je vais rester debout. Donc, ça va se dérouler avec une partie de communication très verticale où je vais parler pendant 20 minutes. Je vais essayer de vous fournir toutes les informations clés en main pour ensuite vous laisser faire la synthèse sur cette technologie qui est vraiment très très mal comprise. Et puis après, on va faire un peu une série de questions-réponses. Vous pouvez me poser toutes vos. Je vais aussi vous proposer de participer à une expérience. Alors, vous êtes libre, hein, d'y participer ou pas. La meilleure façon de briser la barrière avec cette technologie, eh bien, c'est de donner des bitcoins. Donc, je vais vous distribuer des bitcoins si vous en voulez. Donc, vous pouvez commencer par sortir votre smartphone si vous voulez des bitcoins, hein, y a pas de problème. Et télécharger une application. Alors, si. Voilà. Donc si vous êtes sur iOS, vous allez sur l'App Store. Si vous êtes sur Android ou Windows Phone, vous allez sur les stores adéquats. Et puis, vous pouvez télécharger l'application Mycelium. Ça s'écrit Mycelium. C'est comme le champignon, Mycelium. Donc, de toute façon, on fera ça un peu après, hein. Donc, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche, savoir que c'est pas une sorte d'ectoplasme ou monnaie virtuelle. Alors, si vous pensez que c'est de la monnaie virtuelle, vous mettez vraiment le doigt dans l'œil, hein, c'est vraiment un protocole. Tout à l'heure, on a parlé de bitcoins. Il y a vraiment une différence entre le protocole bitcoin avec un B majuscule et l'unité de compte qui sont les bitcoins. Avec le protocole, vous n'allez pas faire de schéma de Ponzi, ça ne correspond pas à la théorie du jeu, parce que c'est une technologie, c'est un protocole. Par contre, avec les bitcoins, les unités de compte, oui, effectivement, là, vous allez pouvoir mettre en place un schéma de Ponzi. Il y a plusieurs Ponzi qui ont déjà été décelés, comme Travis Trevor aux États-Unis entre septembre 2013 et septembre 2014. Donc, c'est vrai que c'est assez mal compris. Alors généralement quand on parle de cette technologie dans mon entourage, on me pose toujours des questions de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que je peux acheter avec, etc. C'est pas du tout la bonne approche pour introduire une telle technologie. Il faut l'introduire en pensant contexte. Il faut vraiment comprendre le contexte. Il faut vraiment comprendre pourquoi on en est arrivé à créer une telle technologie. Bitcoin, c'est pas une technologie qui est apparue comme ça du jour au lendemain avec un type qui s'est dit ah tiens je vais faire une petite technologie puis je vais essayer de le vendre et je vais essayer de me faire de l'argent avec. En réalité, ça fait des années et des années qu'on prototype ce genre de technologie. Ça date depuis le début des années 80, où on commence à expérimenter justement des monnaies numériques. On a eu tout un tas d'expériences, comme par exemple Digital Cash de David Chaum en Hollande. Et ce qu'on s'est aperçu en prototypant ces technologies, c'est qu'effectivement, eh bien, on avait des vulnérabilités. Alors, différents types de vulnérabilités. On a des vulnérabilités qui sont soit liées à la technologie en elle-même, donc il y a des failles au sein du protocole, ou alors on a aussi des vulnérabilités beaucoup plus complexes, enfin beaucoup plus standards, je dirais, c'est celle des entités centralisées qui se font attaquer soit par les banques, soit par les États. Hein, DigiCash s'est fait descendre par la banque centrale néerlandaise dès que le système a commencé à attirer de plus en plus d'utilisateurs. Alors, il y a d'autres expériences aussi qu'on a vécues bien au-delà des années 80, même dans les années 90 et dans le début des années 2000. On a par exemple Bitgold, Bimoney. On a très dernièrement une technologie qui est très très mal connue qui s'appelle ERPO, qui en fait pose les bases de Bitcoin. Alors ERPO, c'est un acronyme pour Replicate Proof of Work. Donc c'est une monnaie virtuelle, une monnaie numérique. Qui pose vraiment les bases de Bitcoin. Alors, le créateur de Bitcoin, qui est un développeur ou une développeuse, en fait, on ne sait pas, ou même un groupe de développeurs, en tout cas, a plusieurs casquettes. Et ce créateur s'identifie dans la communauté sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto s'est inspiré de toutes ses expériences passées. faite depuis les premières expériences pour mettre en place justement Bitcoin. Alors ce qu'il a fait, c'est qu'il a repéré toutes les vulnérabilités qu'on connaissait sur cette technologie. On a par exemple eMoney hein, aux États-Unis qui, fin des années 90, début 2000, était victime de beaucoup de fraudes. Donc là, le régulateur américain leur sont tombés dessus. La vulnérabilité en fait qui est commune à toutes ces expériences-là, c'est que c'était surtout des systèmes qui étaient mis en place par des sociétés, par des entreprises. Donc c'était centralisé. Et donc du coup, bah, si vous êtes centralisé, on va venir à votre porte et puis on va vous descendre votre système. C'est pas le cas de Bitcoin, parce que Bitcoin est open source. C'est open source, c'est il y a, tout comme il n'y a pas de président d'Internet, il n'y a pas de président de Bitcoin. Ça n'appartient à personne, c'est un bien commun. Ça appartient à personne et en même temps ça appartient à tout le monde. Donc la première chose à comprendre, c'est que Bitcoin, c'est pas quelque chose qui arrive au hasard. C'est quelque chose qu'on voulait. Hein, la société, c'est la somme des interactions entre les individus, et ce sont des individus qui se sont mis ensemble pour essayer de pousser à arriver à un certain idéal. La deuxième chose à comprendre, c'est que ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui avec Bitcoin, c'est une expérience Bitcoin hein, qui dure déjà depuis 7 ans et 4 mois, c'est aussi un autre objectif qu'on avait en parallèle. Cet objectif, il est très simple. Si on remonte un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que la comptabilité, hein, qui est un peu une première forme d'écriture, tous ces registres, qu'ils soient en Mésopotamie, gravés dans de la pierre, ou sur support papier, ou très récemment informatisés sous forme de base de données, on s'aperçoit que tous ces registres étaient centralisés. Alors, y a des systèmes qui étaient plus ou moins décentralisés. On peut par exemple penser à l'or, mais aujourd'hui, l'or, c'est surtout de l'or papier, et on sait que le marché est complètement corrompu, frauduleux, centralisé. On a d'ailleurs la BCE qui a été condamnée plusieurs fois sur manipulation de ce système-là. Alors, la décentralisation du registre, c'est aussi l'un des objectifs qu'on essayait d'effectuer. Alors on a réussi à faire ça avec Bitcoin, mais en fait, on voulait le faire déjà depuis bien, bien longtemps. Ce qui s'est passé, c'est que très récemment, il y a maintenant pratiquement 10 ans, on a connu une nouvelle crise, une crise financière. Alors les crises, elles sont systémiques, hein, c'est tous les 5 à 10 ans, et ceci depuis le 17e siècle. Et effectivement, Satoshi Nakamoto, entre 2007 et 2008, on peut spéculer, hein, s'est dit, voilà, il faut vraiment réussir à décentraliser ce registre, arriver à le rendre public. Pourquoi ? Pour qu'il soit auditable et pour justement lutter contre la corruption. Pardon. Satoshi Nakamoto s'est inspiré de ses anciennes technologies pour, d'un côté, réussir la dématérialisation de l'argent, parce que de toute façon, ça, c'est quelque chose qui est en marche, que vous le vouliez ou non, c'est mis en place aussi par les banques et par les États. On a par les banques des concepts comme Quixo, alors ça n'a pas fonctionné. Hein. On a des concepts aussi comme Moneo, hein, on se souvient tous de ce truc-là. Bon, voilà, ça ferme cette année d'ailleurs. Et toutes ces solutions-là sont centralisées. Donc, ce qu'on comprend en fait avec cet historique, c'est que déjà Bitcoin, c'est quelque chose qui a été voulu. Deuxièmement, ce qu'on comprend aussi, c'est que Bitcoin, c'est pas de la monnaie virtuelle. Bitcoin, c'est plus que ça. C'est un protocole informatique. Des protocoles informatiques, vous en utilisez dans la vie de tous les jours, sans même vous en rendre compte, vous interfacez avec, comme par exemple Internet, hein, qui est un ensemble de protocoles. Vous utilisez le mail, vous utilisez des protocoles. Vous utilisez le web, vous utilisez des protocoles. Vous utilisez Skype, vous utilisez des protocoles. Alors pour protocole par exemple sur Internet, c'est le protocole HTTP, HTTPS. Et d'ailleurs, généralement on dit toujours « Ah, je surfe sur Internet », c'est faux. Hein. Vous surfez sur le web permis par Internet. Donc parmi Internet, hein, cette sorte d'infrastructure, on retrouve des protocoles et il y a un nouveau protocole qui arrive, c'est Bitcoin, qui permet la monnaie, mais pas que. Il faut vraiment comprendre que Bitcoin, ça va au-delà de la monnaie. Le protocole Bitcoin transcende la monnaie. Alors Bitcoin, c'est la même chose qu'Internet, hein, c'est aussi un protocole, une sorte de plateforme sur laquelle vous allez retrouver déjà ce qu'on a, d'autres protocoles, hein, comme des poupées russes, des protocoles informatiques qui se... qui se mettent les uns au-dessus des autres pour améliorer les applications. Donc on appelle ça des méta-protocoles dans le jargon des crypto-monnaies. On va retrouver aussi des API, parce qu'effectivement sur ce protocole-là, vous avez des données qui transitent, donc vous pouvez mettre en place un service à partir de ce flux de données. Et puis sur cette infrastructure, à côté des méta-protocoles et des API, vous allez retrouver des applications. Et l'application de la monnaie numérique distribuée, programmable, sur support virtuel, eh bien, c'est la première application possible. En fait, vous avez tout un tas d'autres applications que vous pouvez faire avec Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est langage de transaction. Vous allez avoir un script. Hein. Si vous utilisez ce qu'on appelle un wallet Bitcoin, vous appuyez sur un bouton et puis voilà, la transaction va se faire sans voir en réalité que derrière, il y a un script. Il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte et qu'effectivement, ce script, vous pouvez le customiser pour y apporter plus d'opérateurs, donc faire plus d'opérations et changer les conditions. Donc vous allez permettre d'étendre la monnaie, c'est vraiment de la monnaie programmable. Hein. Vous prenez par exemple une page web, bon ben voilà, c'est interactif, vous allez pouvoir suivre des hypertextes, vous allez avoir des animations. Dès que vous mettez à l'imprimer, vous perdez cette interaction, vous perdez ce dynamisme. Et ben c'est la même chose avec la monnaie. Vous prenez votre billet de banque, vous prenez votre chèque et vous imaginez que vous le mettez dans le numérique et que vous arrivez à avoir tout un tas de nouvelles possibilités. Alors, il y a toujours des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je peux avoir accès à mon compte en banque sur Internet. » Oui, non, mais ça reste analogique. Je veux dire, vous bougez simplement des 0 et des 1 dans des bases de données qui ne vous appartiennent pas, qui sont centralisées. Alors, pour en revenir un peu sur le côté protocolaire, par rapport aux données qui transitent sur cette plateforme, ces données sont consignées dans un registre. Hein, vous avez un registre sur Bitcoin aussi. Ce registre, il est décentralisé. S'il est décentralisé, c'est pour, effectivement, comme je disais tout à l'heure, éviter la corruption pour que n'importe qui puisse l'auditer. Alors, généralement aussi, on dit que Bitcoin, c'est anonyme. Faut arrêter avec ce mythe-là, hein, c'est de la vraie connerie. Si vous lisez des articles de journaux, faut vraiment les fuir. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs journalistes, j'ai même fait un reportage pour la BBC, ils ont complètement manipulé le truc pour nous transformer en méchants hackers. C'est complètement l'inverse, en fait. On peut retracer les bitcoins à l'origine même, jusqu'à ce qu'on appelle la Coinbase Transaction. Donc, dès que vous utilisez des bitcoins, si vous êtes terroriste, c'est le bonheur, parce qu'en fait, on va pouvoir vous tracer très, très facilement, surtout si on a les moyens comme un État. Donc, acheter de la drogue ou faire de la criminalité sur ce genre de système, c'est une très, très mauvaise idée. D'ailleurs, en 2014, l'été 2014, il y a un groupe dans le sud de la France qui ont essayé de monter une arnaque et se sont fait vite tomber dessus. En moins de 2 mois, c'était plié. Vous avez des startups aussi, comme par exemple Scorechain, qui vous permettent de dire si ces bitcoins-là ont transité sur Silk Road. Donc on va vraiment pouvoir discriminer les personnes, alors qu'à la base, c'est une technologie qui cherchait justement à lutter contre la discrimination. Puisqu'effectivement, si on ne demande pas votre nom, votre prénom dans un tel système, c'est qu'on vous identifie par une autre méthode. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. C'est-à-dire que vous pouvez générer autant d'identités que vous voulez, peu importe, ça ne posera pas de problème dans un tel système. Il y a une autre chose aussi à dire sur Bitcoin, c'est que Bitcoin, c'est on oublie tout le temps, mais c'est que c'est aussi un réseau. C'est un réseau en pair à pair qui est distribué, donc décentralisé. Alors, pour imaginer ça, hein, je vais vous demander de voir un peu tout un tas de points reliés entre eux. Normalement, j'ai une présentation, mais là, il n'y a pas de slide, etc. Donc, c'est un peu bizarre d'essayer de vous décrire ça. C'est vrai que sans illustration, c'est quand même compliqué de faire passer certaines idées. Et donc, effectivement, sur ce réseau-là, eh bien, si vous coupez la moitié du réseau, vous ne perdez pas vos bitcoins, en fait. Hein. Ça aussi, c'est très important à dire. C'est une des particularités des réseaux distribués. Alors, c'est aussi un réseau en pair à pair, c'est-à-dire que un du réseau est ce qu'on appelle un nœud du réseau, ou aussi un servant, hein, c'est-à-dire que c'est un ordinateur qui va faire à la fois client et serveur. Et voilà. Bitcoin, c'est aussi un investissement. Voilà, ça aussi, il faut le dire. il n'y a aucun investissement sur Terre qui souffre ni de spéculation, ni de volatilité. C'est quand l'euro perd moins 38% face au dollar, il n'y a personne dans les rues, pourtant, il y aurait de quoi. Alors pourquoi? Bah parce qu'on est exclu de la politique monétaire de la BCE. On ne participe pas à la vie politique tout court, d'ailleurs. Je suis sûr qu'ici, il n'y a personne qui est capable de donner les taux, soit des LTRO ou les taux concernant le QE en place. Bon, voilà. Enfin, si, peut-être, je sais pas si. Non? Ou les taux, par exemple, les taux directeurs de la BOJ, par exemple, aussi pour rigoler. Non? Personne? Voilà, bon. Donc, on est tous exclus de la politique monétaire. En fait, on aurait vraiment de quoi gueuler. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que sur ce protocole, vous allez avoir tout un tas d'applications. On a parlé de l'application monétaire, mais c'est pas la seule application. L'autre application, c'est aussi ce qu'on appelle les contrats intelligents. Vous allez mettre en place des contrats. En fait, faire une transaction en Bitcoin, c'est envoyer un message cryptographique. Et avec ce message cryptographique, vous pouvez le customiser pour en faire un contrat. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent. Vous allez pouvoir aussi utiliser cette technologie, ces unités de compte. En fait, c'est ces unités de compte qu'on va transformer en monnaie, en part sociale, en crowdfunding, en agent décentralisé. On va transformer ça en IPO aussi. On va pouvoir faire vraiment tout un tas d'applications. On va pouvoir décentraliser tout ce qui concerne par exemple aussi l'énergie, le transport. On peut faire du supply chain en physical blockchain. Voilà, il y a tout un tas d'applications possibles. Si vous pensez que ça s'arrête qu'à la monnaie, alors là vous êtes complètement à la ramasse. Hein. Faut vraiment s'ouvrir. C'est Bitcoin, c'est l'internet des monnaies. C'est pas une monnaie internet. Hein. Acheter son café, etc. Ça, c'est le truc de base. Nous allons pouvoir faire beaucoup plus que ça. Si vous mettez en fait toutes ces applications les unes à côté des autres, que ce soit la monnaie, que ce soit le système de part sociale, que ce soit des agents autonomes, que ce soit du crowdfunding, etc., vous pouvez gérer ce qu'on appelle des DAO. Ce sont des organisations distribuées de façon autonome. Donc Bitcoin, en fait, ça concerne quoi? Ça concerne surtout la gouvernance. Vous allez pouvoir retrouver tout un tas de formes de gouvernance, comme l'anarchie numérique. Alors attention, l'anarchie, c'est pas le chaos, etc. Hein, c'est juste l'absence d'autorité. Là, je vois que dans République française, on a une autorité, et c'est quand même le chaos. Hein. Il y a aussi la démocratie numérique, l'hétérarchie numérique, la chocratie, la stécocratie, etc. C'est toutes ces formes de gouvernance que vous allez pouvoir retrouver. Donc Bitcoin, c'est vraiment plus que de la monnaie, ça concerne surtout la gouvernance. Voilà. C'est un peu ma conclusion. Après, je vais quand même rajouter un tout petit élément aussi qui est très important, c'est que Bitcoin, ça va être un choix. Faut le comprendre. Et c'est pas en lisant un article de 3 minutes que vous le comprendrez. Il va falloir s'investir régulièrement. Je dirais vraiment 3 quarts d'heure, 1 heure au minimum par jour si vous voulez vraiment comprendre cette technologie, parce que c'est tellement vaste. Il y a un écosystème d'ailleurs qui n'arrête pas de se développer. Hein. C'est une technologie qui existe déjà depuis 2009. Et le Bitcoin de 2009 n'a plus rien à voir avec le Bitcoin d'aujourd'hui. Et le Bitcoin de demain ou le Bitcoin de 10 ans n'aura plus rien à voir avec le Bitcoin aussi d'aujourd'hui. Petite anecdote qui est assez sympathique concernant l'Assemblée nationale. Ils s'intéressent très fortement à ce genre de technologie et ils sont complètement à la ramasse. Comprennent un tant soit peu que tout comme avec Internet, on a réussi à décentraliser l'information. Hein, si aujourd'hui vous voulez suivre Nez Debout, vaut mieux le suivre sur Periscope que sur BFM. Avec le protocole Bitcoin, on va aussi décentraliser la confiance. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous voulez effectuer des transactions, vous êtes obligé de passer par une monnaie dite légale. Demain, vous pourrez utiliser des Justin Bieber coins, parce que c'est vrai que des Justin Bieber coins, si vous êtes fan de Justin Bieber, auront beaucoup plus de valeur que les 50 premières plus faibles monnaies fiduciaires au monde. Donc, et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie qui est accessible à tout le monde en fait. Et c'est pour ça que je suis présent aujourd'hui, c'est vraiment pour vous expliquer qu'il faut absolument vous emparer de cet outil. Vous allez vraiment pouvoir aussi, vous aussi, créer vos monnaies. J'ai par exemple un exemple en Espagne. En Espagne, ils vivent la crise de plein fouet. Moi, j'étais plusieurs mois là-bas. Ils ont réussi à lever des fonds de façon très simple, juste en compilant pendant 20 minutes hein, leurs propres actifs en fait. Hein. Y a aussi d'autres exemples comme par exemple Ethereum qui ont levé 18 millions de dollars, alors l'équivalent de 18 millions de dollars sur une unité de compte qu'on appelle l'Ether. Et ça aussi, c'est un énième protocole qui s'imbrique, en fait, qui fait partie de cet écosystème de ce qu'on appelle les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est aussi une technologie qui doit, il faut le dire, être un choix. Hein. Faut pas y rentrer ou s'y intéresser ou tout ça de force. Hein. Il faut vraiment comprendre et il faut vraiment essayer de s'emparer cet outil-là. Voilà, je vous remercie. Quelqu'un a des remarques ou des questions par rapport à cette intervention ? Aujourd'hui, là, si je veux vraiment m'intéresser concrètement aux bitcoins, sur quoi je vais ? Où est-ce que je me renseigne ? C'est une très bonne question. Déjà, évitez tout ce qui est Le Figaro, Le Monde, Les Échos, tous les journaux de merde. Ça, ils racontent que de la merde. J'ai beau avoir affaire à un journaliste, même essayer de vérifier son article, il a une hiérarchie tellement chiante qu'en fait, il dénature tous mes propos. Donc, évitez ce genre de trucs. La meilleure façon, en fait, de s'intéresser à ces technologies, c'est d'aller directement à la source. Qui, ici, a déjà entendu parler de Bitcoin ? Voilà. Parmi vous, qui ici a lu le livre blanc écrit par Satoshi Nakamoto qui s'intitule Bitcoin, un système de paiement électronique en pair à pair ? Voilà, personne. C'est la meilleure façon de comprendre comment fonctionne cette technologie. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de Bitcoin, c'était pareil, c'était par les médias, et c'était présenté comme étant une monnaie virtuelle pour enfreindre la loi américaine sur les paris en ligne. On m'avait pas dit qu'il y avait un papier scientifique derrière. Quand j'ai lu le papier scientifique, qui demande quand même un niveau de doctorat en informatique, en plus c'est en anglais, donc faut vraiment persévérer pour le lire. Le lire c'est une chose, hein, mais vraiment l'assimiler, j'ai été vraiment sur le cul, il faut le dire. C'est là où je me suis dit, mais c'est pas de la monnaie virtuelle, c'est plus que ça. C'est un système qui va vraiment pouvoir libérer la confiance, en fait. Parce que c'est ça que permet de remplacer Bitcoin. C'est une alternative viable à tous les tiers de confiance classiques, traditionnels, même obsolètes. Parce que quand on parle de DAO, hein, c'est-à-dire des organisations distribuées de façon autonome, on peut aussi imaginer la mise en place de sociétés décentralisées distribuées de façon autonome. Une société hétérarchique. Alors là aussi, pareil, sur les DAO, il y a des white papers qui sont écrits. Vous avez juste à lire le white paper. C'est la mise en place d'une société qui est complètement horizontale. Vous allez avoir les partenaires, les clients, les dirigeants qui vont participer dans le système. Et si les dirigeants font mal leur boulot, ils peuvent se faire virer par tout le réseau. Ça aussi, c'est génial. Donc, pour répondre à la question, parce que je suis un peu parti à l'ouest, la meilleure façon de s'en renseigner sur Bitcoin, bah déjà c'est d'aller sur bitcoin.fr. Voilà. Ensuite, c'est d'aller à la source. Alors pour ça, il suffit d'utiliser des réseaux sociaux. Hein. Vous allez sur Facebook ou sur Twitter et vous recherchez les créateurs, les personnes qui aujourd'hui font la communauté Bitcoin, les personnes qui développent des systèmes, c'est la meilleure façon. De toute façon, vous allez y aller petit à petit et au fur et à mesure, vous allez découvrir, apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles personnes et vous allez les suivre au fur et à mesure. Moi, ce que j'ai fait vraiment, hein, parce que quand j'ai commencé à découvrir, c'était de des années, la première chose que j'ai fait, c'est voyager, c'est rencontrer des gens parce que il y avait personne autour de moi qui pouvait m'expliquer ça. Est-ce que vous avez d'autres questions ou sinon je peux aussi fournir des informations ? Oui, oui. Ça représente quoi les échanges en Bitcoin ? Pardon. Une question naïve. Vous dites qu'il faut un doctorat d'informatique pour comprendre donc ce livre. Est-ce qu'il y a des sites accessibles au commun des mortels ? Voilà, juste. Oui, alors là aussi, pareil, hein, je sais que c'est compliqué. En fait, le premier vrai problème, c'est pas essayer de comprendre la technologie. Le premier vrai problème, c'est déjà essayer de se déformater d'un système dont on est accoutumé et donc on connaît très mal, en fait. Je suis sûr qu'ici, très peu de personnes savent comment on crée la monnaie, comment ça se crée, comment ça fonctionne. Donc, c'est la première chose, c'est essayer de s'intéresser, essayer de se déformater. Ensuite, pour essayer de comprendre ça de façon pédagogique, le vrai problème, c'est que toutes les sources sont en anglais aujourd'hui. Les pays anglo-saxons ont très bien assimilé cette technologie. D'ailleurs, en France, il y a vraiment un vrai paradoxe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé la présentation le protocole Bitcoin et la technologie des blockchains. C'est qu'aujourd'hui, en France, on parle surtout de la technologie des blockchains. Pourquoi ? Bah parce qu'effectivement, les transactions qui sont consignées au sein du protocole Bitcoin, les transactions que vous effectuez, sont enregistrées dans, ce livre des comptes qu'on appelle la blockchain. Donc il y a la blockchain de Bitcoin, il y a la blockchain d'Ethereum, et à chaque protocole a sa propre blockchain. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on essaie de vous faire croire en France, c'est que la technologie de la blockchain va tout révolutionner. Alors ça, c'est de la vraie connerie, c'est une campagne d'astroturfing mise en place par l'opératrice de JP Morgan, Blackmeister, qui comprend que vous avez Bitcoin qui vous permet de transmettre de la valeur dans le monde du numérique sans passer par un tiers de confiance, et donc vous avez tous les tiers de confiance traditionnels obsolètes qui vous disent ah mais regardez, nous aussi on peut faire de la blockchain, etc. Alors effectivement c'est open source, hein, ils vont pouvoir essayer de bricoler dans leur coin, mais ils sont complètement obsolètes, destructifs, finis, enfin c'est au revoir quoi. Donc ça va durer quoi, ça va durer 10 ans. Aujourd'hui ils en sont à la phase du ce qui est intéressant c'est la blockchain, mais ils ont aussi fait des campagnes d'astroturfing sur mais Bitcoin c'est un système de criminels, c'est pour le terrorisme, etc. Où ils ont commencé au tout début, je me souviens, c'était de dire ah oui c'est un truc pour nerds, voilà ça va vite s'effondrer, ça va vite s'arrêter, etc. Mais ça c'est des vraies conneries. Alors pour commencer de façon très simple, bah, je dirais déjà qu'il faut avoir quand même, faut un peu parler anglais. En France, c'est très compliqué, voilà. Si vous allez déjà sur bitcoin.fr, je pense que vous aurez déjà des sources d'informations fiables. Vous avez aussi des forums, c'est par exemple Bitcoin Talk, mais là c'est en anglais aussi, hein. Sinon vous avez une communauté française qui s'appelle crypto.fr. Alors là aussi c'est un forum, vous pouvez vous y inscrire et vous pouvez poser toutes vos questions. Je vais aussi des fois, donc on prend vraiment le temps de répondre petit à petit à toutes les questions qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est une technologie qui est très difficile à faire assimiler. Hein. Oui. Donc moi, c'est plutôt une remarque sur le côté non anonyme du blockchain. En fait, c'est tellement le cas que quand on essaie de mettre en place du vote électronique par blockchain, on doit se poser la question de comment pour un vote, justement, là, on a envie que ce soit anonyme en général. Et donc, je voulais savoir si tu avais des infos, je sais qu'ils utilisaient Electrum, qu'ils essayaient avec ça, mais je ne connais pas trop la différence avec le Bitcoin. Est-ce qu'il y en a? Alors effectivement, le vote électronique, c'est encore une énième application possible. Moi, je pense personnellement, mais ça c'est mon avis personnel, que le vote, que ce soit sous forme papier ou numérique, est obsolète. Va falloir trouver d'autres moyens de s'accorder sur la viabilité, sur la légitimité de quelque chose, que ce soit une règle législative ou autre. Et alors aussi, il y a aussi un petit point à déminer. T'as dit blockchain. Faut arrêter avec le mot blockchain. Hein. La seule blockchain viable aujourd'hui, c'est celle de Bitcoin. Si tu me parles de blockchain en me parlant de la blockchain de Bitcoin, d'ailleurs, c'est pour moi très très bizarre parce que beaucoup de gens aujourd'hui me parlent de blockchain, mais on n'est pas sur le même niveau du débat en fait. Il y a des gens qui se mettent à penser que effectivement, bah, la blockchain peut tout faire, etc. Ça, c'est de la connerie. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille avec les banques. je vais me faire rire. Il y a une sorte de mythe qui dit que voilà, la blockchain est immuable, la blockchain est infalsifiable, sécurisée, etc. C'est faux. En fait, ce sont des technologies qui ont des vulnérabilités et ça, faut les dire. Il y a beaucoup de problèmes avec Bitcoin. Mais c'est l'une des particularités justement de Bitcoin, c'est d'être open source et donc d'être face à ces agents pathogènes. Et ces vulnérabilités sont connues, ce qui n'est pas le cas par exemple de Microsoft Windows 10. Ça c'est fermé. S'il y a une vulnérabilité, même si Microsoft sont de bonne foi et qu'elle est découverte par un tout petit groupe d'individus surfinancés, ils vont exploiter clairement ces vulnérabilités. Donc pour en revenir au vote, je pense que vraiment le vote dans Bitcoin, dans les DAO, serviront surtout pour des petites structures. Mais pour le vote en société, il va falloir vraiment trouver un autre moyen, puisque de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le réseau en lui-même est décentralisé, la périphérie du réseau se retrouve centralisée au bout d'un moment. Je ne sais pas si tu sais comment ça fonctionne, mais quand tu as les clés qui te permettent justement de dépenser des bitcoins, et donc tu fais une signature cryptographique pour voter, par exemple, c'est centralisé sur toi. Donc je peux t'intimider, et finalement, ton vote peut être un peu falsifié. Donc c'est un véritable problème. On va falloir trouver de nouvelles solutions en fait par rapport à ça. Mais voilà, on en est vraiment qu'au début. Hein. C'est une technologie qui est embryonnaire. Hein. Ça dure que plus de 7 ans. Donc on a Internet aujourd'hui. On a plus de recul sur Internet. Internet, ça a été pensé dans les années 60. Ça a été concrétisé dans les années 80. Et faut savoir que Internet, durant son développement, avait aussi beaucoup de concurrents, c'était pas quelque chose de sensé. Hein. L'internet qu'on avait prévu de mettre en place, c'était pas les protocoles TCP/IP, IDP, etc. Hein. C'était OSI. Je sais pas si vous connaissez le modèle OSI. Voilà, c'est le modèle OSI aujourd'hui. Enfin, le protocole OSI n'existe plus. Ils nous ont juste légué le standard en fait, hein, le modèle OSI des couches protocolaires à cette couche. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, des questions stupides, hein, n'hésitez pas, hein, je vais déformater tout ça, démystifier tout ça, parce que c'est vrai que il y a toujours un peu ce côté. Bon, je suis vraiment hyper nulle en finance et en informatique, mais je me demandais qui gère cette monnaie. C'est ça la particularité, c'est qu'en fait c'est un protocole informatique. Donc un protocole informatique, c'est quoi? C'est un ensemble de règles, d'accord? C'est un ensemble de règles pour que des ordinateurs puissent communiquer ensemble, d'accord? Cet ensemble de règles ont été mis en place par Satoshi Nakamoto. Alors on ne sait pas s'il a pris des chiffres au hasard ou si tout ça est pondéré. En réalité, si on étudie la technique de cette technologie, on s'aperçoit que rien n'a été fait au hasard. Les règles de ce protocole sont très simples. C'est par exemple le fait que la masse monétaire est intrinsèquement déflationniste, comme l'or, c'est-à-dire qu'il y a une quantité limitée de bitcoin tout comme il y a une quantité limitée d'or. Hein, vous n'allez pas chier de l'or, ça, c'est pas possible. Il y a d'autres règles comme par exemple l'inflation, les règles d'inflation, donc le fait que l'émission de Bitcoin soit divisée par deux tous les quatre ans. Donc ça aussi, voilà. Donc ça, c'est en fait c'est un ensemble de règles qui sont mis en place dans le protocole. En tout à l'heure, c'est vous êtes libre ou pas de les accepter. En fait, c'est juste ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, ça n'existe pas. Faut arrêter avec, c'est pas palpable. C'est quelque chose qui existe dans une réalité fictive. Alors on y croit, c'est bien, hein, mais ça n'existe pas. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que ce système-là a des conséquences sur la réalité physique, la réalité à nous. Hein, et ça, c'est un véritable problème. Les gens qui se suicident pour un crédit, c'est stupide parce que en fait, ils leur doivent rien. Donc, tout comme nos euros sont des 0 et des 1 dans des bases de données, là c'est centralisé, dans Bitcoin c'est pareil, hein, la monnaie c'est des 0 et des 1 dans une base de données, sauf que là elle est décentralisée. Elle est décentralisée, donc elle est auditable. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe dans le registre de BNP ou de LCL, etc. Vous, quand vous vous interfacez avec votre compte bancaire, vous voyez, ah j'ai 1000 euros. C'est faux. Si vous êtes chez Crédit Agricole, vous avez 1000 crédits agricoles. C'est de la monnaie commerciale. Et ils en font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que des fois, vous avez Papy Pétou qui se retrouve crédité d'un milliard d'euros sur son compte pendant 3 minutes. Bon, bah voilà, c'était un bug informatique, c'est tout. Donc, il y a personne en réalité qui crée la monnaie. La monnaie a été définie dès le départ dans les règles du protocole. Ensuite, il y a effectivement une certaine extraction pour mettre en place une sorte d'inflation. C'est un mécanisme en fait qui est très complexe. Tout à l'heure, tu parlais de blockchain. La blockchain, c'est le registre, d'accord? Le registre, il est ce qu'on dit permissionless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autorisation pour participer au système. Ce registre, il faut qu'il soit sécurisé. Parce que s'il est public et que n'importe qui peut comme ça y arriver et se dire « Ah tiens, je vais mettre 1 milliard d'unités de compte, 1 milliard d'euros », la confiance ne fonctionnera plus dans le réseau. Donc pour le sécuriser, on met en place un mécanisme de sécurité. Sur Bitcoin, on appelle ça la « proof of work », c'est-à-dire la preuve de travail, la démonstration de travail. On va vous demander d'effectuer un travail pour participer au consensus. Quand tu es dans les réseaux en pair à pair, tu as trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est la cohérence, c'est-à-dire l'état du réseau. Tout le monde se met d'accord sur un état du réseau. La deuxième caractéristique, c'est la disponibilité. Tu effectues une requête sur le réseau, tu reçois une réponse. La troisième caractéristique, c'est la tolérance. C'est-à-dire que le fait que le réseau ne tombe pas en panne plus de 24 heures. Bon, sur Bitcoin, ça ne tombe pas en panne. Le problème, c'est que tu ne peux pas avoir ces trois caractéristiques en même temps. Donc, il y a un problème sur ce côté d'état du réseau. Tout le monde ne peut pas avoir le même état dans le réseau. Il se peut des fois que, quand on parlait de blockchain, c'est-à-dire que les informations sont enfermés dans des blocs, il se peut des fois que deux blocs soient trouvés en même temps. Donc quel est le bloc qui fait consensus? Voilà. Donc on utilise ce mécanisme de sécurité, la proof of work, pour se mettre d'accord sur, voilà, c'est tel bloc dans lequel il faut faire confiance, et c'est sur tel bloc qu'il faut construire la blockchain. Le problème, c'est que ce mécanisme de la proof of work, il ne fonctionne pas tout seul. Il faut que vous ayez une communauté derrière de personnes. Donc si vous avez un réseau avec deux pèlerins, votre blockchain ne sera pas sécurisé. Si vous avez des milliers d'utilisateurs, comme c'est le cas sur Bitcoin, là, effectivement, vous arrivez dans des systèmes beaucoup plus sécurisés que ça. Il faut savoir que Bitcoin, c'est le réseau le plus puissant jamais construit de toute l'histoire de l'humanité. C'est 1,2 exahash par seconde. C'est, pour vous donner une idée de grandeur, ça fait à peu près 1200 pétahash. 10 000 banques, la puissance cumulée de 10 000 banques, c'est à peine 1 pétahash. Donc on est vraiment dans un système de brute force qui aujourd'hui est très très très compliqué à falsifier. Et donc pour inciter cette communauté de personnes à participer à la proof of work et donc sécuriser notre registre public, eh bien, il faut aussi une unité de compte pour les rémunérer, parce qu'ils ne vont pas effectuer ce travail gratuitement. Enfin, je pense que y a des qui sont prêts à donner de leur temps, hein, c'est ce que je fais moi aussi par exemple, mais faire ça continuellement, bah, vous allez quand même demander une certaine rémunération. Voilà, donc vous êtes rémunéré sur cette unité de compte, dans le cas du protocole Bitcoin, ce sont des Bitcoins, et avec ces bitcoins-là, effectivement, ben, vous créez un médium d'échange complètement nouveau qui se retrouve être distribué, donc immuable, et qui se retrouve être, décentralisé. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais donc aujourd'hui, si je vais acheter quelque chose avec ma carte bancaire, la transaction, elle est validée en quelques secondes. Si je transfère des bitcoins à... Elle apparaît. En tout cas, je repars avec mon croissant ou quoi en quelques secondes. Le commerçant est content, moi aussi. Avec Bitcoin, ça va prendre aujourd'hui environ 2-3. Est-ce que tu veux expliquer ? Alors là aussi, pareil, c'est un mythe de la carte bancaire. Quand vous faites une transaction, en fait, elle est validée que 3 mois plus tard. Hein. Donc ça apparaît tout de suite, voilà, c'est bien beau, mais en fait, elle peut être annulée au bout de 3 mois. Donc c'est pas forcément concret. Concernant Bitcoin, oui, effectivement, ce système de blockchain, pour atteindre ce consensus, il sert à temporiser, en fait. Hein. Il sert à temporiser pour qu'on se mette d'accord sur l'état du réseau, pour savoir, voilà, on en est là, maintenant, aujourd'hui, dans le réseau, et tout le monde est d'accord. Donc, pour ça, il faut temporiser. C'est pour ça qu'on met en place un système de blockchain. Sur Bitcoin, la création de blocs s'effectue toutes les 10 minutes. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous effectuez une transaction, puis on va faire tout à l'heure pour toutes les personnes qui veulent participer à cette expérience après, il faut attendre 10 minutes pour que votre transaction soit considérée comme confirmée. En réalité, c'est même plus que ça, c'est 45 minutes, une heure, c'est 6 confirmations. Donc, au bout de 6 confirmations, on peut vraiment dire que votre transaction est passée. Sinon, oui, votre transaction peut être refusée. Vous pouvez avoir un bug. Ça peut arriver. Ça, c'est même déjà arrivé. Ça arrive plusieurs fois. Il n'y a pas de questions stupides sur monnaie virtuelle, tout ça, etc. Moi, je veux bien. Bonjour. Je ne sais pas si c'est dans le sujet, mais j'avais vu qu'il y avait une expérience à Brooklyn. Diffusion d'énergie à base de je sais pas quoi, on y parlait de blockchain, de data grid, c'est-à-dire chacun produisait son énergie solaire et le vendait par un système proche du Bitcoin. Je sais pas ce qu'il en est. Alors voilà, donc le truc blockchain. Oui, alors effectivement, on va pouvoir décentraliser l'énergie, etc., grâce à ce genre de système. Maintenant, il faut arrêter avec ce mythe de la blockchain. Aujourd'hui, tous les journaux parlent de la blockchain, mais utiliser le mot blockchain comme un nom indénombrable, c'est un peu prouver le manque de connaissances techniques. Comment vous sécurisez votre blockchain? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Quelles sont les variables? C'est bien beau de parler de blockchain, mais le fait que les caractéristiques sont différentes, les variables sont différentes, le niveau de sécurité est différent. Vous pouvez pas faire confiance à n'importe quelle blockchain. Donc déjà, quand on vous dit « oui, blockchain peut décentraliser tel truc », la première question qu'il faut vous poser, c'est « de quelle blockchain parle-t-on ?» Maintenant, si on vous dit, voilà, moi je parle de telle blockchain, effectivement, il faut regarder un peu les caractéristiques. Tout comme vous achetez une voiture, vous n'avez pas acheté une voiture sans roues. D'accord. Aujourd'hui, la blockchain n'est simplement qu'un composant d'un système. D'accord. Dans le système, vous avez le mécanisme de sécurité, la communauté et l'unité de compte. C'est ce qui forme le système. Maintenant, pour les blockchains des banques, faut le dire. Aujourd'hui, ils essaient de surfer là-dessus. Comme tout à l'heure, on parlait des Fab Labs. On disait que Renault surfait sur la mode des Fab Labs, mais ça ne correspond pas aux caractéristiques réellement des Fab Labs. Les banques ou les sociétés privées n'ont pas besoin de blockchain. Elles n'ont pas besoin de se mettre d'accord sur un consensus, puisque de toute façon, elles contrôlent le réseau. Elles connaissent l'état du réseau, c'est elles qui le dictent. Donc elles n'ont pas besoin de temporiser, de mettre en place de blockchain. Donc surf là-dessus, c'est un peu de la connerie. Bah, c'est comme ça, hein, quand vous allez disparaître, vous savez, quand la voix sur IP est apparue, les opérateurs téléphoniques ont crié « Oh mon Dieu, ça va détruire des emplois, ça va être l'horreur totale ». Bon, aujourd'hui, on vous vend pas un forfait sans voix sur IP, donc voilà, ils ont réussi à s'adapter. Là, on va voir, hein, mais voilà. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que c'est une technologie qui... Dans lequel vous déplacez la confiance dans le facteur humain pour le placer dans une thématique. D'accord ? Le consensus, il est administré par des algorithmes cryptographiques. Sur Bitcoin, c'est SHA-256. Vous ne pouvez pas tricher avec les mathématiques. Vous ne pouvez pas tricher avec le protocole du Proof of Work. Donc, il y a plein de petits trucs à démystifier, à préciser. Il faut vraiment se poser des questions pour éviter de se faire manipuler. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est un outil. Vous allez avoir des avantages, des inconvénients. Bitcoin, c'est pas parfait, hein, faut le dire. D'ailleurs, si on vous vend un système parfait, oulala, faut partir, hein. ça n'existe pas, voilà. Donc, vous avez Bitcoin, et la seule chose que vous pouvez faire, c'est ajouter des couches de protection, avec, par exemple, déjà un système robuste. Le système robuste, c'est Bitcoin, c'est pour ça que je vous parle de Bitcoin. Après, il y a d'autres systèmes, hein. Il y a Ethereum aussi, mais Ethereum, c'est très très falsifiable, c'est pas du tout sécurisé. Surtout qu'en plus, Ethereum est encore en cours de développement, ils vont changer de mécanisme de sécurité d'ici mi-2017. Donc voilà, donc il faut suivre, il faut vraiment lire. Si vous voulez comprendre Bitcoin ou ses technologies, demandez le white paper. Si on vous parle d'une blockchain, vous dites oui, laquelle, donnez-moi le white paper. Voilà. Dans n'importe quoi, en fait, dans n'importe quel domaine de la vie, vous allez demander des précisions, d'accord ? Faut éviter de croire un peu tout et n'importe quoi. Donc effectivement, oui, sur l'énergie avec Bitcoin, vous allez pouvoir décentraliser les tiers de confiance traditionnels, c'est-à-dire que de façon automatique, vous allez pouvoir programmer votre unité de compte pour, lorsque vous produisez trop d'énergie, pouvoir le revendre. Et ça sera fait automatiquement via le biais d'algorithmes, de programmes ou d'applications décentralisées. D'ailleurs, c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est qu'avec Bitcoin, vous pouvez décentraliser Airbnb, Uber. On vous parle d'ubérisation. L'ubérisation, c'est déjà obsolète. Hein. C'est ça aussi, il faut le dire. Hein. Uber, ils sont complètement finis. Alors, vous ne pouvez pas décentraliser la brand, hein, c'est-à-dire la marque, le design, etc. Le côté centralisé auquel on aime bien s'identifier, hein, le logo et la charte graphique, le côté aussi communication, etc. Mais l'application en elle-même, sur Uber, vous pouvez le décentraliser. Il y a plein de projets, comme par exemple la Zouz qui permet de décentraliser Uber. Là, du coup, sur Uber, quand vous prenez un Uber, il y a l'entreprise Uber qui prend sa petite commission. Sur ce genre de système, il y a personne qui prend sa commission. En fait, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Il y a quand même une commission de transaction, mais elle est l'ordre du centième du centime. Donc, en fait, elle est quasi minime, quoi. C'est seamlessly. Oui. Juste ton avis sur la maison du Bitcoin à Paris. Des puta madre, tio. Non, le problème de la maison du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, voilà, Bitcoin est victime d'astroturfing. On vous dit que Bitcoin c'est mauvais, c'est de la monnaie virtuelle, etc. Enfin, on joue sur les mythes, les gens se posent pas de questions. La maison du Bitcoin, c'est des personnes qui savent de quoi ils parlent, clairement. Donc, j'en pense plutôt du bien, mais bon, c'est plutôt subjectif, c'est pas très objectif. C'est une bonne façon. C'est une bonne façon de commencer justement sur Bitcoin. C'est des questions qu'on ne traite jamais. C'est la question de sécurité. On vous dit toujours « Ah, mais des Bitcoins, vous pouvez les perdre, etc. » Quand vous avez des Bitcoins, vous ne devenez pas une banque. Vous êtes votre propre banque. Donc vous avez accès à tous les outils techniques d'une banque pour zéro. Alors effectivement, il y a des manières à sécuriser ces actifs. Et à la maison du Bitcoin, il y a une start-up française qui s'appelle Ledger, qui justement propose des services pour très bien sécuriser ses bitcoins, un niveau de sécurité plus élevé qu'une banque, et à peu près une trentaine d'euros. Donc je ne veux pas être commercial pour eux, mais voilà, c'est aussi une bonne façon de commencer avec cette technologie. Il y a quelque chose aussi que j'ai oublié d'expliquer, je ne voulais pas rentrer si profond dans la technique, mais sur Bitcoin, quand on dit que c'est disruptif, c'est que c'est réellement disruptif. Ça n'a plus rien à voir avec votre système bancaire. Hein. Les bitcoins, vous n'avez pas des bitcoins dans votre poche. Les bitcoins ne quittent pas la blockchain. D'accord ? Vous, ce que vous avez dans votre poche, ce sont des clés. Des clés cryptographiques. Tout à l'heure, j'ai parlé de cryptographie asymétrique. Quand vous créez un nouveau portefeuille, vous générez une paire de clés. Vous avez une clé privée et une clé publique. La clé privée, c'est la clé que vous allez garder secret, qui va vous permettre de signer les transactions, d'accord, passe, et puis vous avez la clé publique, où là, effectivement, la clé publique, c'est un peu une sorte de numéro de compte, c'est ce que vous allez donner à tout le monde pour qu'on puisse vous envoyer des bitcoins. Donc, vous avez des outils pour sécuriser ces clés-là, on appelle ça des hardware wallets, bon, j'en ai pas sur moi, mais ce sont des technologies qui coûtent peu cher à fabriquer, et dans lesquelles vous avez un mini système d'exploitation qui, justement, ferme, verrouille l'accès à ces clés. Donc vous pouvez le bloguer sur votre ordinateur et l'utiliser pour dépenser vos bitcoins. Un point de précision aussi quand même qui est très important aussi à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait à expliquer sur cette technologie, c'est que Bitcoin imite les propriétés de la monnaie. Hein. Les propriétés de la monnaie, c'est l'unité de compte pour exprimer la valeur d'un bien. Dans cette unité de compte. On a aussi l'intermédiaire des échanges pour tout ce qui est achat, vente de biens et services. Et puis on a aussi la réserve de valeur. On prend toujours Bitcoin comme étant un intermédiaire des échanges. En réalité, Bitcoin, c'est surtout une formidable réserve de valeur. Lorsque vous avez des Bitcoins, on peut pas vous les prendre. Moi, par exemple, mes Bitcoins sont sécurisés dans ce qu'on appelle un brain wallet. Les Bitcoins sont dans ma tête. J'ai beau avoir des Bitcoins sur mon portable, si mon portable explose, j'ai pas perdu mes Bitcoins, je vais pouvoir me resynchroniser avec le réseau. Et c'est ça aussi qui est génial, c'est qu'en fait, aujourd'hui, vous faites ponctionner de partout avec des Bitcoins. Si on vous torture, faudra vous arriver à vous torturer si vous sécurisez vos bitcoins avec un système de brain wallet. De toute façon, c'est aujourd'hui le système de base. Hein. Il est livré avec tous les portables. Si vous avez installé un portefeuille bitcoin, comme par exemple Mycelium, on utilise ce qu'on appelle la technologie HD wallet pour hiérarchical déterministique. Et effectivement, avec ce genre de système, on vous fournit directement un brain wallet à partir de la SYN qui se retrouve être générée. Donc vous avez le brain wallet par défaut. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? N'hésitez pas à me rentrer dans l'art, hein, parce que c'est vrai que c'est... je viens d'arriver, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais de ce que je sache, les transactions en Bitcoin ne sont pas soumises aux impôts. Donc après, on peut discuter de la pertinence de l'impôt ou quoi, mais est-ce que le Bitcoin ne tend pas justement vers un truc où chaque individu est libre d'échanger librement entre soi et où plus aucun impôt collectif n'est collecté dessus? Et donc on arrive encore à, c'est soi-disant une libéralisation, une liberté de l'individu, et en fait on se retrouve encore dans des individus qui échangent sans rien créer entre eux. Alors oui, alors déjà il faut dire que on n'est pas égaux face à l'impôt. En fait, on l'a découvert. Tout le monde se concentre sur les Panama Papers, mais en fait, moi, j'aurais bien aimé entendre un peu plus sur les Monaco Papers, les Andorre Papers, les Luxembourg Papers, et on voit ce qui se passe aussi avec le procès sur le LuxLeaks. Bitcoin, déjà, c'est ce qui permet, c'est d'accéder à l'évasion fiscale pour tout le monde. Donc ça c'est on va dire une bonne nouvelle en termes d'égalité. Maintenant, concernant l'impôt, déjà, faut un peu déformater un peu tout ça. Si vous arrêtez de payer vos impôts aujourd'hui, les services n'ont pas arrêté de fonctionner, d'accord ? Parce que aujourd'hui, les services ils fonctionnent par des dettes qui sont contactées par les hommes politiques actuels. Aujourd'hui, ce que tu rembourses en impôts ne sert à peine à rembourser les intérêts d'une dette contractée il y a 20 ans par des hommes politiques dont la moitié sont morts aujourd'hui. Donc déjà, il y a un véritable problème avec l'impôt. Ensuite, tout à l'heure, j'ai expliquer que effectivement, lorsque tu effectues une transaction, tu as quand même une commission de transaction qui t'est déduite sur la somme que tu essaies d'envoyer, d'accord ? Donc tu as déjà une sorte d'impôt dans le réseau. Cette commission de transaction, elle sert à rétribuer le mineur qui va justement vérifier et valider la transaction que tu essaies d'effectuer au sein du protocole. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas de solution et je pense pas avoir la solution. Je suis pas assez, je fais pas partie de ce qu'on appelle les core développeurs. J'ai pas le background ou l'expérience adéquate pour faire des propositions et d'amélioration du protocole. Mais on peut imaginer, puisque c'est une technologie qui évolue, hein, c'est comme Internet, hein, t'es passé de l'IPv4 à l'IPv6, bon voilà, on peut imaginer plus tard une sorte de système d'impôt au sein de ce système, oui, effectivement. De toute façon, il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas que Bitcoin. Bitcoin, c'est le centre, ensuite il y a tout un écosystème. Hein, le fait que ce soit open source, n'importe qui peut créer sa propre crypto-monnaie. Vous allez sur walletbuilder.com, vous répondez à un formulaire, vous choisissez l'algorithme cryptographique qui effectuera le consensus et hop, ça y est, vous créez votre propre crypto-monnaie. Vous pouvez mettre en place vos actifs et essayer de lever des fonds ou de vous en servir. On peut par exemple créer des nudes de Bitcoin. Hein. C'est très simple à faire, hein. C'est accessible à tout le monde. Donc ces expériences-là, elles sont différentes de Bitcoin. Elles apportent de nouvelles solutions ou elles essayent de faire différemment, avec une nouvelle philosophie. Ça marche, ça marche pas, etc. Mais au moins on prototype et on expérimente. Bitcoin s'inspire de ce genre de système. Donc c'est pas parce que ça n'existe pas aujourd'hui que ça ne pourrait pas arriver plus tard. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas de solution là-dessus, et il faut le dire. Hein, c'est un outil, vous avez des avantages, vous avez des inconvénients. L'avantage, c'est que votre argent vous appartient réellement. L'avantage, c'est que vous êtes plus discriminé, hein, parce que on met en place toujours des systèmes sur lesquels on va vous identifier par rapport à votre état civil, et dès que vous appelez Mouloud, ça y est, c'est fini, quoi. Là, on vous identifie par rapport à une paire de clés. Donc un Israélien et un Palestinien peuvent très rapidement, sans se poser de questions, transactionner entre eux, voire même, ce qu'on parlait tout à l'heure, des sociétés distribuées de façon autonome, mettre en place un business ensemble sans se connaître. C'est ça qui est génial aussi, hein, vous allez pouvoir transactionner avec des personnes que vous ne connaissez pas. Oui. Oui. Donc moi, ma question, c'était un peu sur l'utilisation du Bitcoin dans la vie de tous les jours et ce que tu vois par rapport, par exemple, au mouvement des monnaies locales et comment tu vois les deux cohabiter, coopérer ou au contraire si les deux sont vraiment antinomiques. Alors, l'une des particularités des crypto-monnaies, c'est qu'elles sont fongibles. Donc en réalité, elles sont collaboratives, elles sont pas en concurrente. Elles sont complémentaires, d'accord. On a parlé tout à l'heure des autres protocoles, c'est ce qu'on appelle des altcoins, pour alternative coin, d'accord. Donc en réalité, elles s'inspirent les unes des autres et elles collaborent ensemble, d'accord. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le monde des crypto-monnaies, c'est très facile de revenir de Bitcoin à Ethereum, à Dogecoin, à n'importe quel coin en réalité. On va pas vous taxer, on va pas vous demander votre avis. Si vous voulez le faire, vous le faites. Et ça, n'importe où dans le monde. Alors, au moment que vous avez une connexion Internet, de toute façon, vous pouvez vous synchroniser avec le protocole Bitcoin ou ce genre de protocole avec des ondes hertziennes. Donc ça, c'est la première chose. Et tu disais aussi un autre truc sur les monnaies, les monnaies locales. T'as par exemple Stéphane Laborde qui est passé à Nuit Debout cette semaine. Il est je sais pas s'il est créateur, mais en tout cas je sais qu'il participe à une crypto-monnaie qui s'appelle c'est un altcoin aussi avec une philosophie complètement différente. C'est une sorte de nouvelle monnaie aussi locale, etc. La monnaie, la valeur dans la monnaie, il n'y en a pas en fait. Hein. C'est la valeur que vous mettez vous dans le système. Alors après, il y a différentes variables quand même qui rentrent en compte. Sur Bitcoin, la valeur, c'est vraiment la sécurité. Si vous voulez falsifier le système, il faut que vous ayez 51% de puissance de calcul sur 1,2 exahash par seconde. D'accord. Donc aujourd'hui, pour atteindre ce genre de puissance, ça vous coûte 5 milliards plus 2-3 millions toutes les 10 minutes. Voilà, autant vous dire que si vous n'avez pas un retour sur investissement, vous n'allez pas investir ce genre de somme. Donc game is over, quoi. On va enfin pouvoir avoir une monnaie. Comme aujourd'hui, vous avez le choix de choisir vos sites, vos sources d'informations. Vous allez sur des blogs qui vont vous parler parce qu'ils sont plus précis que le simple reportage de 2 minutes sur France 2 sur l'écologie ou ce genre de trucs. C'est pareil pour la monnaie. Vous allez pouvoir enfin choisir dans quel tiers de confiance faire confiance. Donc ça, c'est un véritable game changer. Il n'y a pas que Bitcoin. On voit déjà en fait aujourd'hui l'émergence de milliers de ces systèmes, de milliers de monnaies alternatives, de crypto-monnaies. Ça peut être des monnaies locales. On peut ici créer un Udobu coin. Après, savoir si on a si certains en ont réellement l'intérêt. Alors on peut faire ça, on peut aussi même utiliser le protocole Bitcoin pour créer des Udobu coin en utilisant une autre couche protocolaire qu'on appelle les color coins. Et en fait, on va bloquer des transactions, on va bloquer des bitcoins sur la blockchain de Bitcoin et puis on va les associer à des points Udobu coin par exemple. Et puis on va en émettre, je sais pas, 1000, et puis on va en distribuer à des gens, et puis les gens vont se dire bon ben voilà, ça vaut 10 euros, et puis après on va avoir une offre, une demande, et puis on va avoir un cours qui va se mettre en place aussi, pareil. Donc effectivement, tout est possible. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous ne dépendez pas de la HSBC ou quoi que ce soit, vous faites vous-même de votre côté. C'est accessible, très facilement. Voilà, donc pour conclure. C'est un outil, il y a des avantages, il y a des inconvénients, essayez de vous en saisir, essayez de vous informer, et puis je vous donne rendez-vous juste derrière. Si vous voulez recevoir des bitcoins, je vous donne des bitcoins, il n'y a pas de souci, je vous explique aussi tout ça, comment ça fonctionne techniquement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.